Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres juniors 2A de Robertval. Impliqués dans tous les projets porteurs de la MRC, les 80 employés et 16 dirigeants vous invitent à vivre l'expérience membre Desjardins dans l'une ou l'autre de ces 8 places d'affaires. Suivez-nous sur notre nouvelle page Facebook et participez à nos nombreuses promotions. Bon succès aux Sabres juniors 2A de Robertval. Les Sabres de Robertval avec notre ami Jason Dejeunesse. Les Sabres, deux belles victoires en fin de semaine. Salut Jason! Salut Danny. Deux belles victoires d'abord contre vos grands rivaux, les Éperviers Normandins. Oui, une belle victoire de 7 à 4 là, contre Normandin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans ce match-là? Je vous dirais que dans ce match-là contre Normandin, notre gardien nous a tenu dans le match la première période. On perdait seulement 2-1, mais on avait donné 21 tirs la première période. Oh. Notre gardien nous a tenu dans le coup, puis il nous a donné une chance là, de revenir dans le match. Puis c'est ce qu'on a fait là, en deuxième, pas en troisième période. C'est souvent ça, hein? Lorsqu'une équipe a l'autre dans les câbles, s'il n'en profite pas, il est toujours le vent vire de bord. Hein? Oui, le momentum a changé là, en deuxième et en troisième période. Okay. Et dans l'autre match, victoire cette fois-ci de 5 à 4 contre les Marquis de Jonquière, les Marquis qui sont quand même au troisième rang. Là. Non, je ne veux pas contre les Marquis. Non, je ne veux pas contre les Marquis, on joue contre les Saguenay. Excuse-moi, mais je suis trompé. Donc, contre les Saguenay, c'était une victoire de 8 à 5. Oui, en plein ça. Dans ce match-là? Oh, c'est un match de fou, là. C'était 5 à 1, là, après deux périodes. Puis en troisième période, là, Chicoutimi et sont arrivés en troisième période, puis là, ils voulaient qu'on tombe dans le jeu, là. On a embarqué dans le jeu, puis là, ça a été la foire pas mal, okay. Il y a eu des suspensions. Okay. Puis, il y a eu pas mal de suspensions, quoi? Ben, une de chaque bord, plus ben, là, il y a eu des joueurs, il y a eu des 10 minutes là, pas mal là, en troisième période de chaque côté. OK. Et là, ça veut dire que les matchs, les joueurs vont être suspendus, ils ne seront pas là en fin de semaine. Mais ben j'en ai juste un là, qui est suspendu là, okay. pour la fin de semaine. Et dans l'autre match, en fin de semaine, ben en fait, vous affrontez les Saguenay de Chicoutimi? Oui, à Chicoutimi, là, vendredi okay. soir. Ici, on parle un peu de cette équipe-là. Quel genre d'équipe que c'est? C'est une équipe rapide. Okay. C'est une équipe qui se présente là à chaque match. Je pense que c'est à nous autres d'être prêts là, vendredi soir. C'est sûr que là, on les a battus le dernier match là, samedi passé. Que ça va être à nous autres d'être prêts. Là, en fait, c'est quoi? C'est Simon Vallière, c'est également Vincent Girard, les joueurs à ouais. surveiller du côté de cette équipe-là? Oui. En plein okay. ça. Et c'est-tu le seul match que vous avez de la fin de semaine? Okay, oui. Donc, une petite semaine, quoi. Ça va faire du bien. Hein. On était habitué de jouer à deux matchs là, par semaine depuis le début de la saison. Okay. Je pense que ça va faire du bien là, à toute okay. l'équipe. Ben, Jason, on s'en reparle mercredi prochain. Parfait, merci. Le chef des Sabres de Robertval, Jason Dejeunesse.